بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، chers auditeurs et auditrices, bienvenue à nouveau sur votre radio, Radio Mirat al-Anbiya. Cette radio salafi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses sublimes noms, de ses hauts et de ses hauts attributs, qu'il récompense ceux qui sont à l'origine de cette radio comme ils le méritent. Et nous allons étudier ensemble, inshallah, un sujet des plus importants dans notre religion. C'est le sujet concernant les fondements et les particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Ça veut dire les fondements des salafis ou les fondements de la salafia. Ceci se fera à travers ce qui a été extrait des livres du porteur de l'étendard, de l'éloge et de la réputation, et de la réfutation, qui est Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Et voyons ce que ça veut dire, ce que dit Cheikh Al-Utaymiyyah Rahmatullah Alayh, concernant le terme Al-Sunna Al-Jama'a, dans l'épître intitulé « La voix des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna au niveau de la Aqidah et des œuvres », il dit, rahmatullah alayh, « Les gens de la Sunna, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés vers la vérité sur laquelle les gens ont divergé. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul guide ce qui veut sur la voie droite. » Il dit, tous nous savons que le Rasoul sallallahu alayhi wa ta'ala a envoyé le messager alayhi salatu salam avec la science, avec la religion de vérité et avec la science véridique, avec la science bénéfique. Et les gens sont restés à son époque sur cette voie saine, cette voie droite. Ils sont restés sur cette voie et aussi à l'époque des khalifs bien guidés. Mais la communauté après s'est divisée. Et il y a eu des grandes scissions dans la communauté. Et la communauté s'est divisée en 73 sectes, tous en enfer, sauf une. La seule qui sera sauvée, c'est ceux qui seront sur la même voie sur laquelle était le messager alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Et partant de là, nous disons que le groupe qui est les gens qui sont les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, qui sont al-sunna al-jama'a, il dit que ce terme n'a pas besoin de grandes clarifications. Ce sont tout simplement les gens qui sont sur la vérité, car ils se cramponnent à la sunna du prophète alayhi salatu salam et ils sont unis autour de la sunna du messager alayhi salatu salam. Et il dit, tu ne trouveras pas un autre groupe que eux. Et tous les groupes sont loin de cette voie sur laquelle sont les gens de la sunna. Ils seront loin de la religion par rapport aux innovations qui les éloignent un peu plus et un peu moins. Et tu les trouves qu'ils sont dispersés, divisés. Alors qu'il cite le verset, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. Il dit dans cette traduction, cette traduction. Voici la traduction approximative du verset qu'il a cité, Hafidhahullah. Et ceux qui se sont divisés dans leur religion, qui se sont constitués en partie, tu ne fais pas partie d'eux. Ça veut dire, à Mohammed, tu te dis à vous deux. Et leur situation est à Allah Azza wa Jal, et Allah subhanahu wa ta'ala va leur annoncer ce qu'ils avaient accompli. Il dit donc qu'il n'y a pas besoin de s'étaler sur la définition des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, car ce titre donne un grand éclaircissement sur sa signification. Et que ceux-là, les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, sont tout simplement ceux qui se cramponnent à la sunna, qui se réunissent sur la sunna. Et donc, frère en Allah Azza wa Jal et sœur en Allah Azza wa Jal, le fait de savoir et le fait d'acquérir la science des fondements des gens de la sunna et leurs particularités, et d'apprendre tout ce qui fait leur particularité par rapport aux gens de l'innovation et de l'égarement, ceci est considéré chez les hommes de science comme une noble science et des sciences les plus importantes. Et ça ne peut pas être autrement, c'est pas avec cette science on arrive à acquérir les fondements et les règles de cette voie salafie qui est l'islam dans sa définition authentique et dans sa vraie définition, que représente le groupe sauvé, la fraction victorieuse, les gens de la sunna, les salafis, les gens du hadith, et les appellations sont nombreuses pour désigner un seul groupe des gens qui sont sur la même voie sur laquelle était le messager alayhi salam et ses nobles compagnons. Et celui qui cerne cette science et qui cerne la science des fondements et des particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, autrement dit, qui cerne les fondements de la voie salafie, il va connaître en détail la voie des croyants. Et celui qui a connu en détail la voie des croyants, il va se cramponner à ses fondements, il va les mettre en application, il va s'éloigner de tous ceux qui sont en divergence avec ses fondements et avec ses particularités, hein? Car il va rester avec les meilleurs et l'élite. Et voyons maintenant une méditation très importante dans le livre du Fawaid, les méditations d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, qui va nous parler de l'importance du fait de connaître la voie des croyants en détail et la voix des criminels en détail aussi. Il commence en citant ce verset. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. La traduction approximative nous dit ceci, c'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Il cite un autre verset qui est très important aussi, en ce qui concerne le sujet que nous allons traiter, c'est قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. La traduction approximative nous dit ceci, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu, il suit un autre sentier, il suit un sentier autre que celui des croyants, ne le laisseront comme il s'est détourné, ils le brûleront en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc, frère en Allah, Azza wa Jal, selon ce que dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh dans ses méditations, Allah a clarifié de manière explicite le sentier des croyants, de même qu'il a clairement décrit le chemin des criminels et leur destinée. Allah a aussi décrit les actes des uns et les actes des autres, les alliés des uns et les alliés des autres, son abandon des uns et son secours apporté aux autres. Hein? Il nous a donné des éclaircissements sur tout ça. Et les moyens par lesquels il a secouru les uns et ceux par lesquels il a abandonné les autres. Donc, nous avons reçu les éclaircissements d'Allah Azza wa Jal. Il dit, rahimahullah, ces deux concepts ont été éclaircis par Allah Azza wa Jal dans son livre. Et il les a dévoilés, explicités, clarifiés de la meilleure des façons, au point où les cœurs dotés de discernement les ont distingués aussi clairement que le regard distingue la lumière de la pénombre. Il dit, rahmatullahi alayh, ceux qui connaissent Allah, son livre et sa religion ont ainsi pris connaissance du chemin des croyants de manière détaillée, de même qu'ils ont pris connaissance du chemin des criminels de façon détaillée. Les deux chemins leur sont donc clairement apparus, comme le voyageur distinguerait le chemin menant au but et celui le menant à sa perte. Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont cette connaissance, ceux-là sont les plus savants des créatures, les plus profitables aux hommes, les plus sincères envers eux. Ils sont les étendards et les guides de la communauté. C'est pour cela que les compagnons se sont distingués par rapport à tous les autres membres de la communauté après eux, et ce jusqu'au jour de la résurrection. En effet, les compagnons ont grandi sur le chemin de l'égarement et de la mécréance, du polythéisme et sur les voies menant à la perdition. Ils les ont donc connus en détail. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est ensuite venu à eux et les a extraits de l'obscurité vers le chemin de la droiture et la voie droite d'Allah. Ils sont donc sortis de la profonde obscurité vers la lumière éclatante, du polythéisme vers l'unicité d'Allah, de l'ignorance vers la science, du fourvoiement vers la bonne orientation, de l'injustice vers l'équité, de l'indécision et l'aveuglement vers la droiture et les discernements. Donc, ils ont donc pu évaluer la valeur de ce qu'ils ont obtenu et acquis avec l'envoi du messager alayhi salam, à la lumière de la situation vécue auparavant, car c'est par son contraire qu'apparaît la beauté d'une chose, de même que c'est par la confrontation des opposés que les choses se clarifient. Ainsi, les compagnons n'ont eu de cesse d'éprouver un désir et un amour grandissant pour leur nouvelle religion, et une haine et une aversion grandissante pour leur ancienne croyance. Ils ont donc aimé plus que tout autre l'unicité d'Allah, la foi et l'islam, et ont détesté plus que toute autre chose leur contraire, car leur connaissance du droit chemin était détaillée. Il dit, rahmatullahi alayh, concernant les musulmans nés après la génération des compagnons, certains d'entre eux ont grandi dans l'islam, mais sans connaître en détail ce qui s'y oppose. Sans connaître en détail l'opposé de l'islam, certains détails de la voie des croyants se sont confondus avec ceux de la voie des criminels. Pour eux, la confusion se produit lorsque la connaissance de ces deux voies ou de l'une d'elles faiblit, ainsi que l'a affirmé Omar al-Khattab radiallahu anhu arda. Omar radiallahu anhu arda a dit, progressivement, l'islam tombera en régression dès le moment où de nouvelles générations de musulmans n'ayant jamais connu l'époque de l'ignorance pré-islamique al-jahiliya feront leur apparition. Hein? C'est là, frère en Allah, Azza wa Jal, et sur en Allah, subhanahu wa ta'ala, une preuve du caractère complet de la science de Omar ibn Khattab, le deuxième homme de cette communauté après son messager, alayhi salatu wa salam. En effet, dit Ibn al-Qayyim, une personne qui ignorerait tout de la jahiliya et de son statut est susceptible d'y sombrer. La jahiliya correspond à tout ce qui s'oppose à la révélation faite au prophète alayhi salatu wa salam. Car le mot jahiliya dérive du mot jahl qui signifie ignorance. Or, tout ce qui s'oppose au prophète trouve sa cause dans l'ignorance. Il dit, rahmatullah alayh, quiconque ne sait rien du chemin des criminels, il ne parvient pas à le distinguer clairement, risque de croire qu'une partie de leur voix se confond avec celle des croyants. Cela est déjà arrivé à certains membres de cette communauté concernant des sujets aussi importants que la croyance, la science et les œuvres. S'il est arrivé auparavant, comme le dit Cheikh Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, Cheikh l'Islam, il arrive encore de nos jours. Ainsi, dit Ibn al-Qayyim, ils ont greffé au chemin des croyants des éléments issus de la voie des criminels, des mécréants et des ennemis, et des ennemis des messagers, sans savoir que ces éléments font partie de la voie des criminels. Ils y ont invité les gens, jeté l'anathème sur quiconque les contredisait illégitimait l'atteinte au droit qu'Allah et son messager ont pourtant rendu sacré. Ce fut le comportement adopté par la majorité des innovateurs, qu'il s'agisse des jahmites, qadaristes, kharijites, chiites, djoudissimains, c'est-à-dire ceux qui croient en deux imams qui sont la secte des ismaïlites, khzahumullah, ou toutes les autres sectes qui ont innové en matière de religion, ont invité les gens à embrasser leurs convictions et excommunier quiconque les contredisait. Il dit, rahmatullah alayh, concernant cette situation et cette question, les gens se divisent en quatre catégories. C'est-à-dire concernant le fait de connaître la voie des criminels et la voie des croyants en détail. Il dit, rahmatullah alayh, la première catégorie, ceux qui distinguent clairement et de manière détaillée, écoute bien frère en Allah, azzawajal, de manière détaillée la voie des croyants et celle des criminels. D'un point de vue théorique et pratique, ce sont là les plus savants des créatures. Et regarde, il ne s'agit pas tout simplement de connaître, d'avoir la théorie, mais il faut pratiquer. Donc, la première catégorie, ceux qui distinguent clairement et de manière détaillée la voie des croyants et celle des criminels. D'un point de vue théorique et pratique aussi, ce sont là les plus savantes des créatures. La seconde catégorie, ceux qui, semblables à du bétail, ne font aucune distinction entre les deux chemins. Et c'est pour cela qu'ils empruntent la voie des criminels sans difficulté et cheminent avec entrain. Cela, cette deuxième catégorie n'a ni la connaissance de la voie des criminels ni celle des croyants. La troisième catégorie, ce sont ceux dont les efforts se limitent à prendre connaissance de la voie des croyants, sans s'attarder sur son opposé. Ils ne connaissent de la voie des criminels que des généralités. Ils sont conscients que la voie des criminels s'oppose à celle des croyants. Et que tout ce qui s'oppose à la voie des croyants n'est que fausseté. Même s'ils ne parviennent pas à le concevoir de manière détaillée, s'ils entendent quoi que ce soit de contraire à la voie des croyants, ils n'y prêtent pas oreille et ne s'ennuie pas à essayer de le comprendre, d'en démêler les contours et d'en dévoiler le caractère fallacieux. Ils sont comparables à ceux dont l'âme n'est pas tentée par des désirs charnels, qui ne leur traversent pas l'esprit et à l'assouvissement desquels leur âme ne les incite pas. Ils sont donc différents de la première catégorie. Ils sont différents de la première catégorie de personnes citées au plus haut, qui connaissent la voie des criminels, vers laquelle leur âme penche, mais qui luttent pour ne pas l'emprunter, recherchant par là la satisfaction et la face d'Allah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, reçut un jour une lettre où la question suivante lui était posée. Laquelle de ces deux situations est préférable? Celle d'un homme qui n'est pas éprouvé par les désirs charnels, ceci ne lui traverse même pas l'esprit, ou bien celle d'un homme qui est tenté par ces mêmes désirs, mais les délaisse pour Allah. Il répondit, radiyallahu anhu, celui qui est attiré par les péchés, mais les délaisse pour Allah, fait partie de ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une récompense immense. Me dites bien ce que tu as entendu de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Ibn al-Qayyim de nous dire, il en est de même pour ceux qui ont pris connaissance des innovations, du polythéisme, de la fausseté et des voies qui y menant. Ils les ont ensuite détestés pour Allah, y ont pris garde, ont prévenu les gens contre ces fléaux et les ont repoussés. Ils ne les ont pas laissés influer sur leur foi, ni semer le doute et l'ambiguïté. Au contraire, la connaissance qu'ils ont de ce fléau ne fait qu'augmenter leur clairvoyance et leur amour à l'égard de la vérité et leur haine et aversion envers les fléaux qui s'opposent à la vérité. Ils sont donc dans une situation préférable à ceux dont l'esprit n'est même pas traversé par ces fléaux, qui n'atteignent pas leur cœur, car pour les premiers, chaque fois que ces faussetés traversent leur esprit, ils sentent leur amour pour la vérité augmenter, l'estime à sa juste et haute valeur, et s'en réjouissent. Leur foi augmente donc par ce biais. Il dit, rahimahullah, ceci est comparable au cas d'une personne dont l'esprit serait tenté par les désirs et les péchés. Chaque fois que ces désirs ressurgissent, il les délaisse pour Allah. Et il les délaisse pour aller vers l'opposé de ses désirs, pour qu'Allah soit satisfait de lui. Son amour, son attrait, son désir et sa convoitise pour cet opposé augmentent alors, c'est-à-dire pour l'opposé que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et il dit, rahimahullah, Allah n'éprouve son serviteur croyant par l'amour des désirs, des péchés. Il laisse l'inclination pour eux que pour le mener par leur biais vers l'amour de ce qui est meilleur, préférable, plus bénéfique et plus durable que ces choses. Il l'éprouve aussi pour que le serviteur force son âme à les délaisser pour Allah Azza wa Jal. Cette lutte le conduira alors jusqu'à l'être aimé par excellence. C'est-à-dire, il le conduira vers Allah Azza wa Jal. Ainsi, chaque fois que son âme l'attire vers ses passions, que son attrait pour elle ne cesse de s'intensifier et que son désir en devient ardent, le serviteur orientera ce désir, cet attrait et cet amour vers le Très-Haut, l'Éternel. Son désir envers lui sera plus immense et sa convoitise plus ardente encore, contrairement à l'âme froide, indifférente à toute tentation, qui même s'il désire satisfaire son Seigneur, n'est en aucun cas comparable à la première. Et donc ceci est très important, ce détail, et ces détails qu'a donné Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi sur les catégories de personnes est très important, ils sont à méditer. Il dit rahmatullah alayhi, ne vois-tu pas que celui qui se rend chez l'être qu'il aime en marchant sur la braise et les épines est plus méritant que celui qui s'y rend sur la plus coûteuse des montures? Il y a donc une grande différence entre celui qui donne préférence à l'être qu'il aime malgré les tiraillements de son âme et celui qui lui accorde préférence sans que son âme ne soit tentée par autre chose. Ainsi Allah éprouve son serviteur par les désirs qui installeront un voile entre lui et le serviteur si ce dernier succombe à ses désirs, ou seront des valets qui le mèneront à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, sa proximité. Donc ils l'emmèneront, qui seront des valets qui le mèneront à la satisfaction d'Allah, à sa proximité, aux honneurs qu'il lui prodiguera, subhanahu wa ta'ala. Ça concernant la troisième catégorie. La quatrième catégorie, ceux qui ont pris connaissance de la voie du mal, des innovations et de la mécréance de façon détaillée, mais qui ne connaissent de la voie des croyants que des généralités. C'est souvent le cas des spécialistes en religion comparative et des spécialistes des groupes et des groupes de l'innovation et ainsi de suite, qui maîtrisent parfaitement les doctrines des hérétiques, mais dont les connaissances concernant la révélation faite au prophète alayhi salam restent limitées et limitées à des généralités, même s'ils ont approfondi certains points. Quiconque étudie leurs livres s'en rendra compte. Il dit, rahimahullah, font également partie de ce quatrième groupe ceux qui connaissent les voies du mal, de l'injustice et de la corruption en détail, s'y engagent, puis se repentent et reviennent au chemin des vertueux. Ceux-là n'auront alors de la voie des croyants qu'une connaissance limitée. Leur science ne sera pas aussi détaillée que celle-ci de ceux qui ont passé leur vie à y cheminer et à l'emprunter. Donc il est demandé à cette catégorie, l'apprentissage, de ne cesser d'apprendre. Il dit, rahmatullah alayh, en conclusion, et ceci est très important, en conclusion, il faut savoir qu'Allah souhaite que la voie de ses ennemis soit connue afin d'être évitée et haïe. De même, Allah désire que la voix de ses alliés soit connue pour qu'ils soient aimés et suivis. La connaissance de ces deux voies présente des enseignements et des secrets que seul Allah connaît, comme le fait de connaître la globalité de la seigneurie d'Allah, sa sagesse, la perfection de ses noms et attributs, les relations qui lient ses noms et attributs à leur champ d'application, à leurs conséquences et implications. Ce sont là quelques-unes des plus importantes preuves de la seigneurie d'Allah, de sa royauté, de sa divinité, de son amour, de son aversion, de sa récompense et de son châtiment. Et Allah est plus savant. Donc ceci est très important. Connaître en détail le chemin des croyants et connaître en détail le chemin des criminels. Ici s'arrête cette citation voulue ici du livre de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, les méditations, et il est traduit et donc le fait d'étudier les fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna et d'étudier leurs particularités et leurs distinctions, surtout à travers les livres de celui qui porte aujourd'hui l'étendard de la réfutation et de l'éloge en vérité à notre époque, qui est l'érudit Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, est l'un des grands moyens qui aide à connaître la voie des croyants en détail pour qu'ils soient aimés et qu'ils soient empruntés. Et aussi pour connaître, c'est un grand moyen pour connaître la voie des criminels, que ce soit les anciens ou les derniers ou les contemporains, pour qu'ils soient détestés et évités. D'où l'importance d'étudier ces fondements à travers cette risala dont l'auteur a extrait les fondements et les particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, des livres de Cheikh Rabi Hafidhahullah. Et cette risala est éditée dans l'édition Salafi, le Mirat Nabawi, qui est une édition algérienne Salafi et qui s'occupe d'éditer les livres de nos savants contemporains Salafi. Et pourquoi étudier justement ses fondements à travers les livres du porteur de l'étendard, de la réfutation et de l'éloge, parce que ce grand imam a une grande connaissance, une connaissance subtile, très subtile et détaillée des fondements du groupe sauvé, des croyances du groupe sauvé, de la voie du groupe sauvé, et parce que cet imam a de grands efforts dans l'explication et la propagation de la da'wa salafi, et dans la défense de la da'wa salafi, et dans le fait d'enseigner, d'éclairer les fondements et les règles de cette voie salafi. Et à côté de ça, il a une grande connaissance, une connaissance subtile et profonde, détaillée, de la voix des gens de l'égarement et de ceux qui suivent leur passion. Et tout un chacun remarquera ceci facilement quand il se penche sur les livres de cet érudit, de cet noble homme de science, ou quand il écoute ses cours, écoute ses audios, et il se rendra compte que tous ces audios, tous ces livres, tous ces écrits ne sont en réalité qu'un détail et un éclaircissement sur la voie des croyants, et un détail et un éclaircissement et un avertissement sur tout ce qui s'oppose à la voie des croyants, tout ce qui est en innovation, égarement et ainsi de suite. Et tout un chacun remarque, et tous ceux qui sont préoccupés par la da'wa francophone remarque que sur le terrain de la da'wa francophone, malheureusement, il y a tamier qui commence à se propager certains de nos frères, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Beaucoup tombent dans tamier qui est le fait de fondre avec tout le monde et de ne plus être particulier ni se particulariser et mettre en avant les fondements de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Certains même sont tombés dans les girons de la Haddadiyya, sont allés à l'extrême, à rejeter ce qu'ils reconnaissaient auparavant et ce qu'ils défendaient auparavant. Tout ceci est une réalité, tout ceci est arrivé, tout ceci arrive à cause de l'ignorance, à cause du fait d'ignorer les fondements et les particularités de la salafia, et à cause du fait de ne pas les mettre en application. D'où la nécessité de ces cours de rappel, qui sont des assises de rappel, avec lesquelles on demande à Allah, Azzawajal, veut que Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse le cœur de ce qu'il veut parmi ses serviteurs, et qu'il fasse revenir vers sa voie ce qu'il veut parmi ses serviteurs, car la guidance, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre les cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui raffermit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui maintient la personne dans la guidance ou qui l'égare, Azza wa Jal. Et puisque le sujet concerne, tourne autour des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, et pour mettre en avant et rappeler leurs fondements, leurs particularités avec lesquelles ils se sont distingués des gens de l'innovation, de ceux qui suivent leur passion, il est de notre devoir de donner une définition à ce groupe salafi, et de donner des éclaircissements sur certaines caractéristiques, certains termes qui le désignent, qui sont réputés et qui sont devenus un emblème qui distingue cette jama'a des groupes de l'égarement et de la déviance. Et nous allons traiter cette première partie de ce sujet dans trois paragraphes. Le premier sera concerné à la réponse à la question: mais qui sont les gens de la sunna et ceux qui sont unanime sur la sunna, et c'est quoi leurs caractéristiques, leurs descriptions. Le deuxième paragraphe citait un certain nombre de noms concernant les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. Troisième paragraphe, l'attestation des grands imams de l'islam, comme quoi les gens de la Sunna, ce sont eux qui représentent Sirat al-Mustaqim, la voie droite, la vérité claire, et que ce sont eux le groupe sauvé, le groupe victorieux, les gens du hadith, et ainsi de suite. Venons au premier paragraphe qui va être traité dans cet épître par une question qui a été posée à l'érudit Cheikh Rabi Hafidhahullah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la santé et qu'il allonge sa vie dans son obéissance. La question fut: qui sont les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, et c'est quoi leur caractéristique ou leur description? وفي الجواب على هذا السؤال من هم أهل السنة والجماعة وما هي أوصافهم يقول العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله أسعد الناس بالنجاة وأسعد الناس بلقب أهل السنة وأنصار السنة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة من عقيدة ومنهج. En réponse à cette question, le combattant, l'érudit Cheikh Rabi', que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, a dit: les gens qui sont les plus heureux, les gens qui vont être heureux d'être sauvés, et les gens qui seront le plus heureux avec ce terme, le terme de Ahl Sunna, Ansar Sunna, les défenseurs de la Sunna, les disciples de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent: ce sont ceux qui se cramponnent au livre d'Allah et à la Sunna du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, selon la voie sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, parmi les générations qui ont reçu les éloges. Et ce sont ceux qui se cramponnent à la aqida et au manhaj sur laquelle étaient ces générations qui ont reçu les éloges d'Allah et de son messager alayhi salatu wa salam. Yaqul Cheikh Rabi Hafidhahullah, wa idha darasna waqi'a al-muslimina wa manahijahum wa ta'rikhahum أعني الفرق الإسلامية، نجد أن من يصدق عليهم الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث إنما هم الذين يلتزمون هذا المنهج السلفي الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والتشريعات والسياسة وغيرها، هم أحق الناس بهذا الوصف الفرقة الناجية وهم أهل الحديث. Il dit: si on étudie la situation des musulmans, les voies des musulmans, l'histoire des musulmans, il dit, je veux dire par là, hein, la situation des groupes, les voies des groupes, l'histoire des groupes, nous trouvons que ceux qui méritent d'être appelés le groupe sauvé, la fraction victorieuse, les gens du hadith, ce sont ceux qui se cramponnent à la voie salafie authentique, qui est basée sur le livre, la sunna du messager alayhi salatu wassalam, au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau de la législation, au niveau de la politique et autres. Ce sont eux et seulement eux qui méritent cette description, la description du groupe sauvé ou la description des gens Ahl al-Hadith. يقول حفظه الله: لأن أئمة الإسلام حينما يسألون عن حديث الطائفة المنصورة يفسرونه بأهل الحديث، وأهل الحديث من بينا لكم، سموا أهل الحديث وإن كان كثير من الفرق يشاركونهم في دراسة الحديث وحفظه لكنهم هم يمتازون بأنهم يتمسكون بالحديث في أبواب الإسلام كلها، في العقائد والعبادات والسياسات وغيرها، متمسكين بكتاب الله. إلدي les imams de l'islam, quand on leur posait la question sur le hadith concernant le groupe victorieux ou la fraction victorieuse, ils l'expliquent par les gens du hadith. Il dit les gens du hadith, ce sont ceux dont on vous a donné les éclaircissements. On les a appelés les hommes du hadith, même si beaucoup de groupes s'associent à eux dans le fait d'étudier le hadith et de le mémoriser, mais les gens du hadith ont cette particularité, c'est qu'ils se cramponnent au hadith à tous les niveaux de l'islam, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau de la politique ou autre. Ils se cramponnent au livre d'Allah et à tous les niveaux, et au hadith du prophète alayhi salatu wasalam à tous les niveaux de l'islam. يقول حفظه الله إذا تتبعنا تأريخ الطوائف كلها وعقائدها ومناهجها نجد أن أهل الحديث الذين وصفهم الإمام أحمد وابن المبارك وابن مهدي والبخاري وغيرهم طبقوا حديثا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود وغيره الجماعة، يعني الجماعة الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون المراد به أهل الحديث، إذا لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني هم أهل الحديث. Il dit حفظه الله quand on suit l'histoire des groupes, tous les groupes, quand on étudie et on regarde leurs croyances, leurs voies, on voit que les gens du hadith qui ont été décrits par l'imam Ahmed et l'imam Ibn al-Mubarak, Ibn Mahdi, Ibn Bukhari et d'autres, on voit que ces gens-là, que les gens du hadith ont mis en application le hadith où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté se divisera en 73 groupes, tous au feu de l'enfer sauf une. » Ils ont dit laquelle ya Rasulallah? Il a dit ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. Ça, c'est la version de Tirmidhi et d'autres. Dans l'autre version rapportée par Abu Daoud, par l'imam Ahmad et par d'autres, le jama'a, c'est-à-dire le groupe. Et le jama'a, ce sont ceux qui se sont réunis sur la vérité qu'a ramené Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc les gens du hadith, quand on leur pose la question concernant ce hadith, ils disent ce qu'ils voulaient avec les gens du hadith, ce qu'ils voulaient avec, ce sont les gens du hadith. Il dit parce que si ce n'est pas les gens du hadith, on ne voit pas qui ils seront. C'est-à-dire ça ne peut être que les gens du hadith. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en application la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. C'est pour ça quand les grands imams, on leur pose la question sur le hadith restera toujours une fraction de ma communauté sur la vérité, ils disent que ce sont les gens du hadith. Pourquoi? L'explication est la donnée Havidahullah, parce qu'ils ont mis en application la fin de ce hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parle des groupes où il a dit ceux qui vont être sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Donc ce sont ceux-là, les ondiennes, le groupe. Ce sont ceux-là, le groupe sauvé. Ce sont ceux-là, la fraction victorieuse. Ce sont ceux-là, les salafis. يقول فإذا سئل أحمد أو ابن المبارك أو غيره عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحديث اللي rapporté par مسلم par أبو داود et par d'autres. إذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم وجدوا في الواقع أن من يصدق عليهم هذان الحديثان المتواتران لا يجدون في الساحة من الفرق إلا أهل الحديث. وجدوهم يؤمنون بما يتضمنه الحديث من عقائد إلى جانب القرآن. ثم من ورث أهل الحديث في هذا المنهج من الاعتقاد والإيمان بما دلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث، سواء بما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته أو يتعلق بالجنة والنار وغيرها، إذن كانوا يؤمنون بما دلت عليه الأحاديث ودلت عليه الآيات إيمانا صادقا، فهم إن شاء الله أهل الحديث. Il dit, Habidallahu ta'ala, quand on pose la question à l'imam Ahmed, Ibn al-Mubarak et d'autres, sur le hadith, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, restera toujours une fraction de ma communauté sur la vérité, mettant en avant la vérité, apparaissant et mettant en évidence avec la vérité, peu importe ceux qui veulent les faiblir de l'intérieur, peu importe ceux qui sont en divergence avec eux, ils seront sur cette situation jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, par Abu Daoud et d'autres. Quand on pose la question à ces grands imams, Ahmad ibn Mubarak et d'autres, sur ce hadith, ils disent, cette fraction, ce sont les gens du hadith. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont trouvé que dans la réalité, ceux qui méritent d'être les gens de ce hadith, ceux qui méritent d'être les gens de ces deux hadiths mutawatiran, c'est-à-dire le hadith du groupe et le hadith de la fraction. Le mutawatir, frère en Allah Azza wa Jal, c'est le notoire, c'est le fréquent, celui, le régulier, le successif, le hadith qui est rapporté dans chaque chaîne de transmission par plus de 10 personnes à chaque étape de la chaîne de transmission. Ça, c'est le hadith mutawatir que tu peux dire, je sais pas comment on le traduire en français, en tous les cas, au niveau linguistique, ça veut dire fréquent. Le mutawatir veut dire fréquent, veut dire régulier, veut dire successif. Mais ce qui évolue avec, dans le terme technique du hadith, c'est le hadith qui est rapporté à chaque étape de la chaîne par plus de 10 personnes. Donc, quand l'imam Ahmed ibn al-Mubarak et d'autres, on leur pose la question sur le hadith de la fraction sauvée, et ils disent que ce sont les gens du hadith, parce qu'en réalité, ils n'ont trouvé que ces gens-là qui méritent, qui sont conformes à ces deux hadiths, le hadith du groupe et le hadith de la fraction. Ils trouvent que sur le terrain, les groupes qui existent, il n'y a que les gens du hadith qui méritent le titre de fraction sauvée. Parce qu'ils les ont trouvés croire en tout ce que contient les hadiths. Que ce soit au niveau des croyances. Et ils croient en tout ce qu'il y a dans les hadiths et en tout ce qu'il y a dans le Coran. Et tous ceux qui ont hérité les gens du hadith sur cette voie méritent d'être appelés la fraction sauvée. Sur cette voie, que ce soit tous ceux qui ont hérité des gens du hadith, sur cette voie, au niveau des croyances, au niveau de la foi, au niveau de la signification des versets du Coran, au niveau de la signification de tous les hadiths authentiques, que ce soit les hadiths qui concernent Allah Azza wa Jal, ses noms et ses attributs, ou que ce soit les hadiths qui ont rapport avec le paradis, l'enfer ou autre. Donc, ils ont cru et ils croient en tout ce qui est prouvé par les hadiths et tout ce qui est prouvé par les versets d'une foi authentique, véridique. Donc, Inch'Allah, ce sont ceux-là les gens du hadith. Et dedans, ce sont ceux-là qui sont concernés par la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons et qui sont concernés par la parole du prophète alayhi salam. Restera une fraction de ma communauté sur la vérité, mettant en évidence la vérité, peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faire faiblir et ceux qui sont en divergence avec eux, et ils resteront dans cette situation et dans cette position-là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'arrive l'ordre d'Allah. يقول شيخ ربيع حفظه الله وفي باب العبادة لا يقدمون قول أحد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نجد في هذا البلد العلماء ينتسبون فقهيا إلى مذهب أحمد لكن الذي وجدناهم يفضلون به على سائر أهل المدائن أن فتواهم قائمة على الكتاب والسنة وإذا خالف المذهب حديثا ردوا المذهب من أجل الحديث وإذا خالف آية ردوا المذهب من أجل الآية Et donc il dit, Hafidahullah, et au niveau des adorations, il ne met aucune parole en avant, aucune parole devant la parole du messager alayhi salatu wassalam. Il dit, nous avons trouvé dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, que les hommes de science appartiennent à l'école de jurisprudence Hanbalite. Mais nous avons trouvé que ce qu'ils ont de plus que les autres, c'est que ils rejettent tout ce qui est de la voie de l'école de jurisprudence Hanbalite pour le hadith. Quand le hadith quand leur voix ou leur opinion, l'opinion des gens des Hanbalites n'est pas conforme au livre et à la sunna, ils la mettent de côté pour le verset ou pour le hadith du messager alayhi salatu wassalam. Et ce qu'il a dit, cher, ici est une vérité. Vous n'avez qu'à écouter l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen, de Cheikh Bulugh Al-Maram, ou Cheikh Al-Mumti', ou les explications de Bulugh Al-Maram, de Cheikh Ibn Baz, ou autres, et vous allez voir. Il dit, ça, c'est l'opinion, la position du madhhab, de l'école de jurisprudence Hanbalite. Mais la preuve dit ceci, et la position du madhhab, il est en divergence avec le verset. Et donc il faut mettre en application le verset ou le hadith. Ceci, ce qu'il a dit cher, est quelque chose de réel. يقول حفظه الله وجدنا هذا في تدريسهم وفي خطبهم وفي محاضراتهم وفي مؤلفاتهم وفي فتواهم تجدهم يقدمون الحديث حتى على قول أحمد بن حنبل وغيره فهم من أهل الحديث il dit حفظه الله il rapporte une réalité ceci nous l'avons vu dans leur enseignement dans leur khotab dans leur exhortation dans leur conférence dans leur livre dans leur verdict nous avons trouvé qu'ils mettent le hadith en avant ils le mettent au devant la parole de l'imam Ahmed bin Hanbal rahmatullah alayhi et d'autres Donc ce sont des gens du hadith. يقول وهم من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة هذا ندين الله به وهو شيء ملموس. Il dit dans ces cas-là ils font partie de la fraction sauvée et de la fraction victorieuse. Il dit ça c'est ce que nous croyons, et c'est quelque chose de réel, et de véridique et qui est facilement vérifiable. يقول ومن أراد أن ينظر في الواقع فليرجع إلى الفتاوى والمحاضرات والكتب يجد هذا فلهذا قد يسعى بعض أهل الفتن لاستغلال إطلاق أهل الحديث أو السلفين على أولاء فيقولون أن المقصود به غيرهم ويقولون هذه كتبنا ومحاضراتنا كلها تدخل ولله الحمد حملة هذه الدعوة قديما وحديثا في هذا البلد الذي نفع الله بدعوته الأمة الإسلامية وأيقظها من سباتها وأخرجها من ظلمات الجهل والضلال بهذه الدعوة Il dit celui qui veut vérifier cette réalité qu'il revient en fatwa au verdict de ses hommes de science, et aux conférences, et aux livres, il trouvera ceci. Il dit, et même, combien certains gens de sédition profitent de cette appellation de gens de hadith, ou de l'appellation de salafi. Et ils disent, ce qu'ils voulaient avec, c'est d'autres. Et ils disent, voici nos livres, nos conférences, dans lesquelles La louange est à Allah, on fait rentrer tous les porteurs de cette da'wah. que ce soit les anciens ou les contemporains dans ce pays. Dans ce pays dont la da'wah de ce pays a été bénéfique à la communauté musulmane. La da'wah, c'est-à-dire la da'wah de Mohammed ibn Abdelhab, a été bénéfique à la communauté du musulmane et il a réveillé la communauté de son sommeil et l'a ressorti des ténèbres, de l'ignorance, de l'égarement avec cette da'wah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde. Yaqul, فالآن الجماعات السلفية تسير على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأثير دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي حمل السيف إلى جانب المصحف وأقام للإسلام دولة تحكم بشريعة الله وتنصر الحق وتؤسس له الجامعات والمدارس والمراكز وتبذل الملايين للدعوة إلى الله في نصرة هذه الدعوة السلفية الصادقة التي نفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. Il dit حفظه الله aujourd'hui les groupes salafis qui se comprennent au livre, qui sont sur la voie, la guidance du livre et de la sunna, ont été influencés par la da'wah de l'imam, le revivificateur Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh, qui a porté le Coran, le livre d'Allah, et en même temps l'épée, et il a accompli l'islam et l'état islamique, qui juge avec les lois d'Allah, et qui fait triompher la vérité. Cet état qui juge avec les lois d'Allah, qui fait triompher la vérité, et qui construit des universités, des écoles et des centres, combien il en a construit à travers le monde, et qui dépense les millions pour la da'wah vers Allah Azza wa Jal, pour faire triompher la da'wah salafi véridique. Cette da'wah qui a été bénéfique à l'est et à l'ouest de la terre. Eh oui, c'est une réalité. Quel est le pays qui dépense pour la da'wah plus que cet état, que maintenant tout le monde traite de pays d'extrémisme, que ce soit les hizbis de la communauté ou que ce soit les ennemis d'Allah. Tout le monde se réunit pour essayer de faiblir ce pays dans lequel il n'y a pas une tombe qui s'adore en dehors d'Allah. Ce pays qui accueille combien de nationalités dans l'université islamique de Médine et un peu partout. Ce pays qui édite les livres, le Coran, ou combien de langues, qui distribue le Coran en arabe et en toutes les langues gratuitement depuis combien d'années. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve cet état saoudien et préserve ses hommes de science des foutours de troubles et qu'elle préserve tous les pays de l'islam. يقول حفظه الله أقول إن أولى الناس بهذا الوصف وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحوا الدنيا إلا بقال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ علماء أفذاذ في العالم الإسلامي على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى حفظه الله. Les gens qui méritent cette description, la description du groupe sauvé, la description du groupe victorieux, ce sont les gens du hadith. Et à leur tête, les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam ont conquis ce bas monde. On fait la conquête de ce bas monde avec, tout simplement, Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il y a eu la naissance d'hommes de science unique à travers le monde musulman. Ils ont grandi avec Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ils ont été éduqués avec Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il y a eu ces trois générations qui ont reçu les éloges, qui ont été élogées par Allah et par son messager. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux, les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération, et ceux qui les suivent, et ceux qui leur succèdent, ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont, qui ont suivi ceux qui les ont suivis. هذه القرون مفضلة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندها إلا قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون العرب والعجم كل من يدخل في دين الله يربونه تربية صحيحة على قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة وكل شيء. Il dit, Habidallah, ces générations qui ont été élogées par l'attestation du messager alayhi salatu salam, qui n'est que le véridique qui a dit la vérité, n'avaient autre chose que, ces générations n'avaient autre chose que Allah a dit, son messager a dit. Ils ont appris aux Arabes et aux non-Arabes, à tout un chacun qui rentre dans l'islam et qui se soumet à Allah Azza wa Jal, ils l'ont éduqué d'une éducation authentique. Ils l'ont éduqué d'une éducation réelle et véridique, basée sur Allah, a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Que ce soit au niveau des croyances, au niveau des adorations, au niveau des comportements, au niveau de la politique et à tous les niveaux. ثم جاءت القرون التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن وفي رواية تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Il dit, Habidallah, et après sont arrivés. Et c'est la partie du hadith qui est passée auparavant, qui est un hadith rapporté par l'imam Muslim ou par l'imam Bukhari. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de ma génération. Et sa suite, il est cité ici aussi. Et il dit, arrivera après ces générations desquelles Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il va arriver des gens qui vont attester, qui vont témoigner avant qu'on leur demande de témoigner, qui vont faire des vœux et qui vont pas accomplir les vœux qu'ils ont faits. Et il va y avoir beaucoup qui seront gros parmi eux. Hein? Dans une autre version, leur témoignage devance son serment. Et son serment devance son témoignage. يقول حفظه الله هذه القرون التي ينطبق عليها هذا الوصف أنجى الله تبارك وتعالى من هذه الأوصاف الدميمة من تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الحديث في عقائدهم وفي عباداتهم تفرق الناس إلى جهمية إلى معتزلة إلى خوارج إلى روافض إلى مرجئة إلى كذا وكذا ولهم مناهج منحرفة تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, Habidallah, ces générations qui sont concernées par cette description qu'a dit Rasoul صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé parmi eux de ces mauvaises descriptions ceux qui se sont cramponnés au livre d'Allah et à la sunna du messager alayhi salatu wassalam, qui sont les gens du hadith, hein, dans leurs croyances, dans leurs adorations, alors que les gens se sont divisés en jahmites, aux mu'tazilites, aux khawarij, aux rafidah, aux murji'a, et. Ils ont des voix qui sont déviantes, des voix qui sont en divergence avec le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Dans cette mauvaise, la description blâmable qui a été donnée à ces gens-là, comme quoi ils témoignent sans qu'on leur demande de témoigner, ils ne tiennent pas leurs vœux quand ils font des vœux, ils seront gros, toute cette mauvaise description, Allah subhanahu wa ta'ala a épargné les gens du hadith, ceux qui se cramponnent au livre et à la sunna, dans leurs croyances, dans leurs adorations, et ainsi de suite. يقول وبقيت هذه الطائفة المنصورة والناجية على كتاب الله تبارك وتعالى فتستحق وصف النصر لأن الله ينصرها في الدنيا إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والسنان ووصفت بالناجية لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله الذي توعد به تلك الفرق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي Il dit, Habidahullah, et cette fraction sauvée, cette fraction victorieuse, qui est la même, est restée sur le livre d'Allah. Donc il mérite le fait d'être désigné par le terme victoire, victorieuse. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui donnera la victoire dans ce bas monde. Il fera triompher dans ce bas monde avec les preuves. Soit avec les preuves, soit avec les armes aussi, et avec les plumes. Et il a été décrit par le groupe sauvé, car dans le delà, il sera sauvé de l'avertissement. Hein? Sur lequel sont les groupes, duquel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté se divisera en 73 groupes, tout ce feu de l'enfer, sauf une. Ils lui ont dit laquelle ya Rasulallah. Il a dit ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. يقول حفظه الله الآن فتشوا في الفرق كلها تجدون على كلها تجدون على من ينطبق هذا الوصف من كان على ما أنا عليه وأصحابي لا ينطبق إلا على أهل الحديث أهل العقائد الصحيحة الذين يحاربون الشرك ويحاربون الضلالات ويحاربون البدع سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالعادات أو تعلقت بالعقائد هم هؤلاء Il dit, Habidahullah, maintenant cherchez dans les groupes, dans tous les groupes qui existent, cherchez et trouvez à qui correspond cette description qu'il y a dans ce hadith, la voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. Il dit, cette description n'est conforme qu'avec les gens du hadith, ceux qui ont des croyances authentiques, hein, ceux qui combattent l'associationnisme, qui combattent l'égarement, qui combattent les innovations, que ce soit les innovations dans les adorations, ou dans les mœurs et coutumes, ou que les innovations ont dans les croyances, ce sont ceux-là qui méritent cette description. Ce sont ceux-là les gens du hadith, le groupe victorieux, le groupe sauvé. يقول فهم أهل النجاة باعتبار أنهم ينجون عندما تهلك هذه الفرق بسبب ضلالها وهم أهل النصر المؤيدون من الله بالحجة والبرهان فهم الآن لا يستطيع أن يواجههم أحد في ميدان الاستدلال والاحتجاج لا في ميدان العقيدة ولا في غيرها فهم منصورون ولله الحمد وهذا أعظم النصر إذ هذا هو نصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام Il dit, Habidahullah, dedans, ce sont les gens sauvés. Ce sont eux, les gens, qui vont être sauvés. En prenant en considération qu'ils vont être sauvés au moment où les groupes vont périr à cause de leur égarement. Et ce sont eux, les gens de la victoire, et qui seront aidés min Allah Azza wa Jal, qui sont aidés min Allah Azza wa Jal par les preuves irréfutables. Personne aujourd'hui ne peut leur faire face, ne peut les contrer au niveau des preuves, que ce soit au niveau des croyances ou autres. Et ce sont, ils sont victorieux aussi, la louange est à Allah, et ça c'est le plus grand des triomphes c'est le triomphe des prophètes, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire le triomphe de la preuve. Le triomphe avec les preuves. Irréfutable. Que personne ne peut détruire. يقول فمن الآن يستطيع أن من الآن فمن الآن يستطيع أن يقف في وجه هذه الفرقة بالحجة والبرهان وإن تغلب بالسيف والسنان مؤقتا ولكن التمكين والنصر الحقيقي بالسيف والسنان دائما إن شاء الله في انتظار هذه الفرقة إن شاء الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرها في الدنيا والآخرة لأنها صاحبة الحق التي نرجو الله تبارك وتعالى النجاة في الآخرة بسبب عضها بالنواجد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. Il dit qui maintenant peut faire face à ce groupe avec preuve, même s'il prend le dessus, qu'il les vainque avec les armes et avec la langue, avec la parole, momentanément. Mais la victoire réelle et la force réelle, que ce soit avec les armes ou avec la langue, il est toujours pour eux. Hein? Il attend toujours ce groupe sauvé, Inch'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la fasse triompher dans ce bas monde et dans le delà, car il est le groupe de la vérité. Hein? Et nous demandons, nous espérons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la sauve dans le delà, à cause du fait qu'il s'est cramponné à la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. يقول نعني بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة من هذا الوقت إلى عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإلى القرون المفضلة وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سادة هذه الطائفة وقادتها. Il dit, et nous voulons, avec le terme le groupe victorieux ou le groupe sauvé, à notre époque et jusqu'à l'époque des nobles compagnons d'Allah alayhim, et à l'époque des générations qui ont été élogées, donc, et à la tête de ceux-là, à la tête des nobles compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les dix à qui a été annoncé, le reste des dix à qui a été annoncé le paradis, les gens de Badr, de la bataille de Badr, les gens de l'allégeance de Ridwan, et autres parmi les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont les maîtres de ce groupe, et les leaders de ce groupe, et la tête de ce groupe. يقول ولا أقول هذا من عندي قال هذا ابن تيمية رحمه الله إن رأس الفرقة الناجية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وإن كان أنا لي رأي أقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لكن هذا رأي ابن تيمية رحمه الله نقلناه بأمانة إنه يرى أن سادة هذه الفرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. Et il dit, Hafidhahullah, et je ne dis pas ça de moi-même, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit, que le groupe sauvé, c'est de notre époque jusqu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Que ce sont les nobles compagnons d'Allah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à la fin des temps. Il dit, ça, je ne le dis pas de moi-même. Ibn Taymiyyah l'a dit. Il a dit que la tête du groupe sauvé, la tête du groupe sauvé, ce sont le messager d'Allah et ses nobles compagnons. Il dit, même si moi j'ai une autre opinion, je dis, c'est-à-dire Cheikh Rabir, que les nobles compagnons du messager alayhi salatu wassalam sont au-dessus du groupe victorieux. Il dit, mais ça, c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah que nous avons transmis, comme il l'a émis, rahimahullah. Ibn Taymiyyah voit que les maîtres et l'élite et les nobles de ce groupe sauvé, ce sont le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons d'Allah. Cheikh Rabi, il dit que lui, il voit que les nobles compagnons sont au-dessus du groupe sauvé. Hein? Sont à un degré plus élevé qu'eux. Hein? يقول ثم يأتي بعدهم التابعون أئمة التابعين رضي الله عنهم. Il dit après eux vient leurs successeurs تابعين, les imams des تابعين, les imams des successeurs des nobles compagnons رضي الله عليهم. كسعيد بن المسيب وعربة بن الزبير وعبيد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من أفاضل التابعين et d'autres parmi les nobles de cette génération des تابعين رضوان الله عليهم ثم تلا هؤلاء يتبع التابعين أئمة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث في نفس الوقت وهم et à suivre cela leurs successeurs a suivi Tabi'in leurs successeurs, c'est-à-dire les successeurs des Tabi'in qui sont les imams de ce groupe sauvé de ce groupe victorieux qui sont les gens du Hadith au même temps et qui sont Imam Malik, Imam Al-Awza'i Yunus ibn Yazid Al-Ayli من كبار أصحاب الزهري رضوان الله عليهم parmi les grands compagnons du Zuhri رضوان الله عليهم ومن الطبقة الثانية أيضا من أتباع من أتباع التابعين et de la deuxième catégorie de la deuxième génération aussi parmi les successeurs des nobles compagnons حماد بن سلمة وحماد بن زيد سفيان الثوري سفيان عيينة وتلاميذهم مثل يحيى بن سعيد القحطان القطان et leurs élèves tels que يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي السعد بن مهدي وزهير بن حرب وغيرهم et d'autres ثم يتلو هؤلاء et suivent cela l'imam أحمد بن حنبل imam أهل السنة والجماعة حقا l'imam des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna véridiquement فهو إمام أهل السنة وإمام من بعده على الإطلاق. C'est l'imam des gens de la Sunna et l'imam de tous ceux qui sont venus après lui au sens large du terme du sens imam. وكل من حاد عن سبيل هذا الإمام كما يروي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عبد القادر رضي الله عنه سئل هل يكون هناك ولي هل يكون هناك من ولي لله على غير طريق أحمد قال ما كان ولا يكون et donc l'imam Ahmed c'est l'imam des gens de la sunna et de ceux qui sont venus après lui dans le sens le plus large du terme imam et tous ceux qui ont dévié de la voie de l'imam Ahmed comme le rapporte Cheikh l'Islam le Taymiyya que on a posé la question à Abd al-Qadr Al-Jilani, que Allah subhanahu wa ta'ala agré, où lui a posé la question, est-ce que il y aurait un wali à Allah, un ali à Allah qui ne serait pas sur la voie de l'imam Ahmed? Est-ce qu'il peut y avoir un wali qui n'est pas, en n'étant pas sur la voie de l'imam Ahmed? Et il a dit, rahimahullah, il n'a pas été, il ne sera pas. Il n'a pas été, il ne sera pas. Donc ça veut dire que la voie des alliés passe par la voie de l'imam Ahmed. Parce qu'il est sur la voie de Mohammed alayhi salatu wa salam et sur la voie de ses nobles compagnons. فهو إمام أهل السنة وكان من أقرانه علي بن المديني et donc l'imam Ahmed c'est l'imam des gens de la sunna. Et parmi ses contemporains il y avait Ali ibn al-Madini Yahya ibn Ma'in Abu Bakr ibn Abi Shayba et leurs similaires parmi les chouyours de Bukhari et de Muslim, ils sont arrivés après eux les porteurs de l'étendard des gens de la Hadith et du groupe victorieux. Al-Bukhari, Abu Hatim, Abu Zara, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, et tous ceux qui étaient contemporains à ces grands imams de l'islam, parmi les imams et parmi les hommes de science, ceux-là, ils étaient les imams de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, au niveau de la da'wa, au niveau du recueil de la sunna, au niveau du fait de répliquer au groupe égaré, comme nous allons le voir. ثم تلاهم بعد ذلك تلاميذهم. Et après eux sont arrivés leurs élèves, comme Ibn Khuzayma et ses contemporains, comme Uthman ibn Sa'id Darimi et ses similaires, qui ont porté l'étendard de la sunna et qui ont combattu pour la sunna et défendu la sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et après eux est arrivé Daraqutni et ses contemporains, et après eux est arrivé le Khatib et ses contemporains, et après eux est arrivé Abd al-Ghani al-Maqdisi, Ibn Qudam al-Maqdisi, Dhiya al-Maqdisi, et après eux est arrivé Ibn Taymiyyah, ses élèves, ses compagnons, comme le Mizzi, comme Ibn al-Qayyim, comme Dahabi, comme Ibn Kathir, comme Ibn Rajab. Et après il y a eu un vide, et après est arrivé le revivificateur véridique, qui a revivifié l'islam et qui a remis à jour ce qui a été oublié par les gens de l'islam, et qui a instauré un état islamique qui gouverne avec la législation islamique, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa radiyallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ses récompenses, ainsi que ses élèves et tous ceux qui ont pris leur chemin. يقول حفظه الله هؤلاء يا إخوة في الجملة وباختصار هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والغرباء، وقل ما شئت فيهم من المدح والثناء الذي يستحقونه والذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وسادتهم في هذا الميدان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc il dit Hafidhahullah, ceux-là, ô frères, en général, ceux-là, ô frères, en résumé, ceux-là, ce sont le groupe sauvé, ceux-là qu'il a cité, ce sont le groupe sauvé, le groupe victorieux, les gens du hadith, les étrangers, ils disent ce que tu veux comme éloge, car ils le méritent. Il le mérite. Et ceci est prouvé par les livres d'Allah et leur maître. Dans ce domaine, ce sont les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci est extrait de la risala de Cheikh, le groupe sauvé, ses fondements et ses croyances. Yaqul وقال حفظه الله ورعاه وجعل الجنة متواه في كتابه مكانة الحديث ومآثلهم وأثارهم الحديث. Nous allons arrêter là inshallah avant qu'il commence, parce qu'on ne pourra pas terminer, il va être bientôt 1h30 de cours, donc on continuera inshallah à partir de là dimanche inshallah à la même heure inshallah, même endroit, même heure, en direct de la ville de Al-Qunaytira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense Cheikh Rabi' et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent les bonnes paroles et qui les mettent en application. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan, et à dimanche inshallah.